Dans une contrée très éloignée, il y avait un roi qui s'appelait Louis XXIII. Dans cette contrée, il y avait un pré où habitait René le berger. Mais ce René était fatigué, il travaillait toute la journée. Il en avait marre de sa condition, il se couchait tard pour ne pas un rond. Il était révolté, même pas de congé payé. Travaillait le dimanche et pendant les vacances. Lors de la grande crue, la cheville foulée, même pas de sécu pour le remettre sur pied. Spectacle tragique, décapité le berger.